gracias. Qui peut nous dire qui nous sommes? Rien ni personne qui pourrait changer la donne. Rien ni personne, non, rien n'arrive par hasard, comme nos vies qui s'égarent, rien ne changera l'histoire. Entre ses bras, pourquoi remettre à demain? Si on se bat, si on se bat, non, rien n'arrive par hasard, comme nos vies qui s'égarent, rien ne changera l'histoire. she belongs to me. We'll be right back. je t'ai pas. attends que des mecs un peu collants. Mais quand j'aperçois ce gosse beau, je lui souris à peine dans, mais mes atouts en avant, c'est raté, il me tourne le dos. Y'a pas moyen pour mon monde, je pense où je prends d'eau. Quand soudain je sens le sang se rapprocher de moi. Dis-moi pourquoi ça m'arrive, fallait bien que ça tombe sur moi. J'ai mal au fait que ça a l'air, mais j'ai l'air de quoi? J'ai l'air de rien, je me relève et rentre chez moi. C'est ceux qui n'ont rien vu du tout. J'en me dis le sang, mes sous-bras, je suis parfaite et ça se voit. Je vous jure, j'étais sûre de mon coup. Je pose ma main sur son épaule, j'ajoute salut, moi c'est Rosa. Mais c'est pas lui qui me répond, mais c'est sa nana. Dis-moi pourquoi ça m'arrive, fallait bien que ça tombe sur moi. J'ai pas sommeil, je suis pas fière, mais j'ai l'air de quoi? J'ai l'air de rien, cette fois c'est sûr, je rentre chez moi. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Se d'avant nos plus belles pages. Fierté qui Thank you. qu'elle claque dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la roue carmélite. La merci m'a vu venir. Dieu avait pris un culte. Y a dû y avoir des fuites. Et y a un truc qui fait masse, qu'on ne peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe, je le feuilleton à la place. Postale du front. Si ça continue, je vais couper. Suivant les points qui désir fou que rien ne cesse. Cœur transi reste sourd au cri du marchand de place. Non mais t'as vu ce qui passe. Je le veux donc à la place. Chaque jour est une vie, pas une. essentiel à l'amour de la femme. Ich bin jetzt nicht mehr allein. essentiel. C'est aussi ça. Thank you. belle, tu te fais la vie belle. Maintenant c'est ta vie et tant pis. Tant pis si tu oublies de retrousser la vie. Venez tous ici en danse, boulevard et le rétro. à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc dans ce monde-là, Émilie Harmonie, juste après, je sens que le Mexique passe. en transe, Paris en urgence, les distances. J'ai envie d'ailleurs, d'un monde meilleur. J'ai souvent peur, sonne l'heure d'un voyage. Une arc-en-ciel, un amour de la femme. Say that you

Son âge, c'est de faire du tapage. je vais voir ma petite poupée cet après-midi. Je vais voir ma petite poupée, elle est très gentille. Ouais, j'ai mis ma chemise bleue, assortie à ses yeux. J'ai ciré mes chaussures, huilé ma chevelure. Je vais voir ma petite poupée cet après-midi. Dans un petit troquet, pas très loin d'ici, on ira au ciné, puis on ira dîner dans un petit hôtel près d'un quai de la Seine. Je vais voir ma petite poupée cet après-midi. Papa m'a porté la pomme. Je vais voir ma petite poupée. Dieu, qu'elle est jolie. Il n'y a rien de plus doux que ces petits rendez-vous qu'on se fait dans la semaine avec la fille qu'on aime, qu'on aime, qu'on aime. Baby. arc-en-ciel, un amour de la femme. Je t'aime en PCV. Hey, t'as pas 100 balles? T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look, Coco. Tu fais le beau. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. Ne pas cigarette, smoking. Ça, c'est le standy. Ensemble, Coco Chanel. Pour les vraies demoiselles. Look, star bleu et cravate. Hey, t'as les mains moites. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. Le doute, Coco, t'as le votre radio. Radio Arc-en-Ciel. Et jusqu'au firmament sur les ailes du temps. Simplement, lentement, longtemps. Emmène-moi. Emmène-moi. Au bout de tes rêves, main dans la main. Ma destinée sur ton chemin. Le jour se lève sur une nouvelle vie. Aurore boréale dans un ciel gris. Les chemins de sa vie, mais dans tes placards. la pluie et les ennuis. Qui te donne le cafard, focus sur tes envies. Il n'est jamais trop tard, rien n'est vraiment fini. Il n'est jamais trop tard, allez fonce, il est l'heure. Donne-toi dans mon cœur, c'est le bout du couloir, il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas de retard, regarde dans la nuit. S'illuminer les phares, dans le ciel c'est écrit. Lance-toi de beaux défis. Essaie un peu pour voir. Prends ton courage, vas-y. Il n'est jamais trop tard. Allez, fonce, il est l'heure. Donne-toi sans rancœur. C'est le bout du couloir. Il n'est jamais trop tard. Regarde bien en face. Oui, c'est toi dans la glace. Surtout quoi que tu fasses. Non, rien ne te remplace. Tu veux remplir ton cœur. Efface tes erreurs. Ta vie à 100 à l'heure. Il n'est jamais trop tard. Allez, fonce. C'est le bout du couloir, il n'est jamais trop tard. Non, il n'y a plus d'erreur, tu me dis, oh les cœurs. Ta vie a 100 à l'heure, allez, fonce sans bon cœur. Allez, regarde les mains, tu vois que tu finiras bien. Allez, va dans le train. Il n'est jamais trop tard. Allez, fonce, il est l'heure. Donne-toi dans le cœur. C'est le couloir. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Let me heartbeat, let me be a heartbeat. Let me touch a heartbeat. I can change a heartbeat. Let me place, sirotait le trottoir. Une ville inconnue, au hasard de ma vie, m'échangeait quelques rues contre mes insomnies. Faut dire, ça tombait bien, j'en avais plein en double, de ces nuits où plus rien ne peut jeter le trouble, où le cœur est en rade, aux bistrots sans merveille, qui vendent la pommade pour les coups de sommeil. Chagrin, on contribue à faire jusqu'au petit matin pousser les lampadaires, le blues en bandoulière avec au coin des lèvres la chanson buissonnière où s'incrustaient mes rêves et ce tout à l'ego qui dès qu'on tait les leurs me faisait bien plus beau, me faisait bien moins peur. Presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. de la femme. I can face it again.

Caracas avec Dieu l'Allemagne. Un reflet de toi, tu es loin. Les rouges de Gottingen. kleine Wildblume, eine Flamme, die zwischen den Wolken blüht. Dein Mann, j'ai une petite fleur dans le cœur, qui est comme l'idée du bonheur, qui va grandir. Diggy bong, diggy bong. Edition, and today we're just modern talking. Money and gold, 'cause you're my heart, you're and soul. My heart.

れたらさ、こんな世界でも俺は寂しくないから。前にも言ったかもしれない、俺はお前と一緒にいたい。これから先も居続けたい。だって俺は奏のことがこんなにも好きだから。 together. And you won't take no for an answer. So take this little song when you go back home. I wish I could stay, but I gotta go. Rum, rum, rum, avec mes chums. Let's have some fun, fun, fun.